1. Elles lisent des romans d'aventure. 2. Il écrit une lettre d'amour. 3. Elle conduit une voiture sportive. 4. Ils ne répondent pas aux questions. 5. Il descend les escaliers. 6. Ils vivent à Limoges. 7. Elle ne suit pas la mode de Paris. 8. Il ne sait pas chanter cette chanson.